Viens ce soir bouffer chez Olympe, m'a dit Bragg à la répétition. Après, on ira dire bonsoir aux copains de la revue à Lampklisch. Je n'ai garde de m'y tromper. Il ne s'agit pas d'une invitation à dîner. Nous sommes deux camarades, et le protocole, il y en a un, de la camaraderie, entre artistes, bannit toute ambiguïté. Je rejoins donc Bragg ce soir, à l'Olympe Spar, de fâcheuse renommée. Fâcheuse? Je m'en soucie bien. Libérée du soin de ma réputation, je franchis sans appréhension, comme sans plaisir, le seuil de ce petit restaurant Montmartre-III, silencieux de 7 à 10, trépidant, le reste de la nuit, d'un vacarme assez chiqué de cris, de vaisselle et de guitare. J'y venais dîner quelquefois, vite, seul ou avec Bragg, le mois dernier, avant de nous rendre à l'Empire Clichy. Une provinciale servante, paisible et lente parmi les appels, nous sert ce soir le petit salé aux choux, pâté et saine, encombrante, lourde aux estomacs débilités des petites prostituées du quartier qui mangent auprès de nous, seules, avec cet air farouche que prennent, devant une assiette pleine, les animaux et les femmes pas assez nourries. L'endroit n'est pas toujours gai. Bragg, narquois, apitoyé au fond, débine deux femmes qui viennent d'entrer, jeunes, minces, avec des chapeaux imbéciles qui tanguent sur leur frisure. L'une est saisissante, avec un port de tête d'une insolence enragée. Ses maigreurs révoltées paraissent toutes gracieuses, sous un étroit fourreau de liberté rose acheté chez la marchande. Par ce soir glacial de février, elle a pour se couvrir un manteau, une sorte de cape légère, en liberté également, bleue et brodée d'argent fané. Elle est gelée, affolée de froid, et ses yeux gris exaspérés repoussent toute compassion. Elle est prête à insulter, à griffer le premier qui dira, navré, la pauvre gosse. L'espèce n'est pas très rare en ce pays Montmartre-III de ces filles qui crèvent de misère et d'orgueil, belles de leur dénuement éclatant. Je les rencontre ici et là, traînant leur nippe légère de table en table au souper de la butte, gaies, saoules, rageuses, la dent prête, jamais douce, jamais tendre, boudant au métier et travaillant tout de même. Les hommes les appellent « sacrées petites charognes », avec un rire de mépris complaisant, parce qu'elles sont de la race qui ne cède pas, qui n'avoue ni la faim, ni le froid, ni l'amour, qui meurt en disant « je ne suis pas malade », qui saigne sous les coups, mais les rend. Oui, je les connais un peu, celles-là, et c'est à elles que je songe en regardant la petite fille gelée et fière qui vient d'entrer chez Olympe. Un demi-silence affamé règne dans le bar. Deux jeunes hommes fardés échangent des répliques pointues d'un bout à l'autre de la salle, sans conviction. Une gamine courte sur pattes, qui dîne d'une menthe à l'eau en attendant l'aléatoire souper, leur envoie mollement la réplique. Une chienne, bulldog, pleine à éclater, souffle péniblement sur le tapis râpé, son ventre en ballon clouté de mamelles saillantes. Bragg et moi, nous bavardons, alanguis par la chaleur du gaz. Je songe à tous les restaurants médiocres de toutes les villes qui nous ont vus ainsi attablés, là, indifférents et curieux, devant des nourritures étranges. Bragg oppose aux vinasses des buffets de gare et des hôtels un estomac d'airain. Moi, si le veau bourgeoise ou le gigot bonne femme, coriace, me résiste, je me rattrape sur le fromage et l'omelette. Dis donc, Bragg, l'homme, là, qui nous tourne le dos, ce n'est pas Stéphane le danseur? Oh, si, c'est lui, avec une poule. Une telle poule, en effet, que j'en demeure estomaquée devant cette brune cinquantenaire à la lèvre ombrée. Et comme s'il sentait notre regard, Stéphane le danseur se tourne à demi pour nous lancer un de ces coups d'œil d'intelligence qui servent au théâtre à signifier « chut, mystère » assez discrètement pour être aperçu de toute une salle. Pauvre bougre, il la gagne, son argent, chuchote Bragg. Le café, mademoiselle, appelle-t-il, qu'on se barre. Le café, c'est une encre d'un noir olivâtre qui laisse aux parois des tasses une teinture tenace. Mais à ne plus boire de bon café, j'ai pris le goût de ces tisanes chaudes, amères, qui sentent la réglisse et le quinquina. On se passe de viande dans notre métier, mais pas de café. Si vite qu'on nous serve le nôtre, Stéphane le danseur se barre avant nous. Il rinque dans la revue de lampes cliches, derrière sa mûre compagne. Sans vergogne, il esquisse derrière elle, pour nous, le geste de l'athlète qui arrache le poids de 200 kilos, et nous avons la lâcheté d'en rire. Puis, nous quittons ce morne lieu que l'on dit de plaisir, où tout somnole à cette heure sous les ampoules rosées, la chienne pleine, les gamines éreintées, la servante campagnarde et le gérant à moustache cirée. Dehors, le boulevard extérieur, la place blanche, où tournoie un vent glacé, nous ranime, et je me sens joyeusement reprise de la fièvre active, du besoin de travailler. Un besoin mystérieux et indéfini que je dépenserais à danser aussi bien qu'à écrire, courir, jouer la comédie ou tirer une voiture à bras. Comme pris de la même envie, Brague me dit soudain « Tu sais, j'ai un mot de Salomon, l'agent. La tournée que je te fais parler se dessine. Il dégote un jour ici, deux jours là, une semaine à Marseille, une à Bordeaux. Tu peux toujours partir ?»« Moi ? Tout de suite. Pourquoi pas ?» Il me lance de côté un vif coup d'œil. « Je sais pas, pour rien. Des fois, je sais ce que c'est que la vie. » Ah, j'ai compris. Mon camarade se souvient de Dufferin Chautel et croit que mon rire brusque, au lieu de le détromper, l'égare davantage. Mais je me sens ce soir si taquine et si gaie, légère, déjà presque en voyage. Ah oui, partir, repartir, oublier qui je suis et le nom de la ville qui m'abrita hier, penser à peine, ne refléter et retenir que le beau paysage qui tourne et change au flanc du train, les temps plombés où le ciel bleu se mire vert, la flèche ajourée d'un clocher cerné d'hirondelles. Un jour, je me rappelle, en quittant Rennes par un matin de mai, le train suivait très lent une voie en réparation entre des taillis d'épines blanches, des pommiers roses dont l'ombre était bleue, des saules genêts à feuilles de jade. Debout, au bord du bois, une enfant nous regardait passer, une fillette de 12 ans, dont la ressemblance avec moi me saisit. Sérieuse, les sourcils froncés, de rondes joues brunies, comme furent les miennes, des cheveux un peu blanchis de soleil, elle tenait un surjon feuillu dans ses mains hâlées et griffées, comme furent les miennes. Et cet air insociable, ses yeux sans âge, presque sans sexe, qui paraissaient prendre tout au sérieux, les miens, réellement les miens. Oui, debout au bord du hallier, mon enfance farouche me regardait passer, éblouie par le soleil levant. Quand tu voudras, tu sais. La sèche invite de mon camarade me réveille devant lampe cliche, illuminée de feu mauve, dont l'éclat blesse, dit Brague, le derrière des yeux. Et nous gagnons le sous-sol où l'odeur reconnue, plâtre, ammoniac, crème, ciment et poudre de riz me soulève d'un dégoût presque agréable. Nous venons voir les copains de la revue, nous, et non la revue. Je retrouve ma loge, qu'habite à présent Bouty, et celle de Brague est emplie de l'éblouissante présence de Jadin, qui joue 3 rôles dans Lampe Cliche Revue. « Grouillez-vous !» nous crie-t-elle. « Vous arrivez juste pour ma chanson de Paris la nuit. » Hélas, on a habillé Jadin en pierreuse. Jupe noire, corsage noir échancré, des bas en toile d'araignée, un ruban rouge au cou et, sur la tête, la traditionnelle perruque en casque où saigne un camélia. Rien ne demeure, en vérité, du charme populacier et prenant de cette petite fille à l'épaule de travers. Il fallait s'y attendre. On transforme, vite et sûrement, ma boudeuse et fraîche apache en petite femme de café-concert. Parmi les « ça va ? Quoi de neuf ? Ça se dessine ?» Je la regarde piétiner dans sa loge, navrée de constater que Jadin marche en poule, comme tout le monde, ventre rentré et jabot sorti. Quelle place sa voix en parlant, et qu'elle n'a pas encore dit « merde » depuis que nous sommes arrivés. Bouti, qui va danser avec elle l'indispensable chaloupé, rayonne silencieusement sous la casquette de soie. Pour un peu, il nous dirait « hein ?» en nous montrant d'un geste de propriétaire la petite créature. A-t-il enfin conquis sa camarade ? Il s'emploie, du moins, je le devine, à la banalisation de Jadin. Et les voilà tous deux maintenant qui parlent de faire un numéro sensationnel, très bien payé, au Crystal Palace de Londres. Oh, comme tout change vite, les femmes surtout. Celle-ci, en quelques mois, perdra presque tout son mordant, son pathétique naturel et inconscient. Un sournois atavisme de concierge, de petit commerçant cupide, va-t-il se faire jour en cette folle Jadin de 18 ans, si prodigue d'elle-même et de sa pauvre galette? Pourquoi, devant elle, songeais-je aux Bells, acrobates allemands au nom anglais que nous connûmes, Bragg et moi, à Bruxelles, incomparables de force et de grâce sous des maillots cerises qui pâlissaient leur peau blonde? Ils habitaient à 5, 2 chambres sans meubles, où ils cuisinaient eux-mêmes sur un petit fourneau de fonte. Et tout le jour, c'était, nous raconta l'impresario, des palabres mystérieux, des méditations sur les journaux financiers, des disputes sauvages à propos de mines d'or, de Sosnovice et de crédits fonciers d'Égypte. L'argent, l'argent, l'argent. Jadin anime de son vide bavardage notre visite, qui en a besoin. Après que Bouti, un peu moins maigre, nous a donné les nouvelles de sa santé, annoncé que « ça se dessine » pour l'hiver prochain, nous voilà silencieux, gênés, amis de hasard que le hasard sépare. Je tripote les fards et les crayons sur la tablette avec cet agacement gourmand, ce prurite de maquillage connu de tous ceux qui ont abordé le plateau. La sonnette trille, heureusement, et Jadin sursaute. « Oust, grimpez! Le pompier va vous donner son avant-scène et vous verrez si je dégote dans ma chanson de Paris la nuit. » Le pompier somnolent me prête en effet son tabouret de paille et sa logette. Assise, le nez au grillage qui sertit un carré de lumière chaude et rougeâtre, je puis, invisible, jouir de la vue de 2 demi-rangs d'orchestre et de 3 baignoires découvertes, plus une avant-scène. Une avant-scène où l'on distingue une dame à chapeau géant, perles, bagues, paillettes, et 2 hommes qui sont Dufferin Chautel aîné et Dufferin Chautel cadet, tous 2 noirs et blancs, bien serrés, bien fourbis. Ils sont brutalement éclairés et prennent dans le guichet où je les isole une importance extraordinaire. La femme n'est pas une femme. C'est une dame, Madame Dufferin Chautel aînée, sans doute. Mon amoureux, lui, paraît s'amuser beaucoup au défilé des chiffonnières, des cochères maraudeuses qui leur succèdent et s'en vont, après un couplet et un petit pas de danse négligent. Enfin, voici Jadin qui s'annonce elle-même. « Et moi, je suis la reine du Paris nocturne, je suis la pierreuse. » Je vois mon amoureux se pencher assez vivement sur le programme, puis relever le nez et détailler ma petite camarade du chignon en casque au bas ajouré. Par une intervention singulière, c'est lui qui devient pour moi le spectacle, car je vois seulement le profil de la petite Jadin que la rampe aveuglante fait camard, comme rongée de lumière, la narine noire, la lèvre raccourcie au-dessus d'une lame brillante de dents. Avec son cou tendu en gargouille, noué d'un chiffon rouge, cet enfant, fraîche, ressemble tout à coup à je ne sais quelle larve luxurieuse de Rops. Lorsque son couplet est fini, elle revient saluer 2 fois les talons joints, les doigts aux lèvres. Mon amoureux l'applaudit de ses grandes mains brunes, si fort qu'elle lui décoche, avant de disparaître, un petit baiser particulier avec un coup de menton en avant. Eh ben, tu dors, voilà deux fois que je te dis qu'on ne peut pas rester là. On plante le tableau d'Héliopolis. Oui, je viens. Il me semble bien, en effet, que je m'endormais. Ou bien, je sors d'une de ces minutes sans pensée qui précèdent la mise en branle d'une idée pénible qui prélude à un petit décrochement moral. Décide-toi ou ne te décide pas, voyons, ça te va ou ça te va pas? Ils sont là, tous deux, Brague et Salomon, à me bousculer de la voix et du regard. Celui-ci rit pour me donner confiance, celui-là grommelle. Une lourde main, celle de Salomon, se pose sur mon épaule. Pour un contrat, c'est un contrat, je pense. Je le tiens, ce contrat dactylographié, et je le relis pour la dixième fois, dans la crainte de découvrir, entre ces 15 lignes brèves, le piège caché, la clause louche. Je le relis surtout pour gagner du temps. Et puis, je regarde la fenêtre, les rideaux de tulle ont pesé, et derrière eux la cour triste et propre. J'ai l'air de réfléchir, mais je ne réfléchis pas. Hésiter, ce n'est pas réfléchir. Distraitement, j'inventorie ce bureau genre anglais que j'ai déjà vu tant de fois, illustré de photographies étrangères, dames en buste, décolletées, très coiffées, qui ont le sourire viennois, hommes en habit, dont on ne peut conjecturer s'ils sont chanteurs ou acrobates, mimes ou écuyers. 40 jours de tournée, à 150 francs par jour, ça fait 6000 francs. Bon tabac. Mais, dis-je enfin à Salomon, je veux pas t'engraisser de 600 balles. 10% à la fin, c'est de l'assassinat. J'ai retrouvé la parole et l'art de m'en servir et le vocabulaire qui sied. Salomon devient de la couleur de ses cheveux, rose brique. Ses yeux insaisissables même rougissent, mais de sa grosse bouche amène se précipite un flot de supplications presque amoureuses. « Ma chérie, ma mignonne, ne commence pas à dire des bêtises. Un mois que je travaille à ton itinéraire. Demande à Brague, un mois que je m'éreinte à te trouver des établissements de premier ordre, de tout premier ordre. Un affichage comme Madame Otero, tiens, c'est comme ça que tu me remercies. T'as pas de cœur alors ?» 10%, mais c'est 12 que tu devrais me donner, tu entends? Je t'entends, mais je ne veux pas t'engraisser de 600 balles, tu ne les vaux pas. Les petits yeux roux de Salomon rapetissent encore. Sa lourde main sur mon épaule caresse avec l'envie de m'écraser. Oh, mauvaise graine, tu la vois, Brague, une enfant à qui j'ai fait son premier engagement. Une enfant bigrement majeure, mon vieux, et qui a besoin de renouveler sa garde-robe. Mon costume de l'emprise est fini, tu sais? Un costume truqué, 30 louis, plus les chaussures, plus le voile pour danser. Enfin, voyez, accessoires, tu ne me les payes pas à part, vieille frappe? Brague, tu la vois? Répète Salomon. J'ai honte pour elle, devant toi. Qu'est-ce que tu vas penser d'elle? Je pense, dit Brague tranquillement, qu'elle aurait raison d'accepter la tournée et tort de te donner 600 francs. C'est bon, rendez-moi les papiers. La grosse main me lâche. Salomon, froncé et pâle, retourne à son bureau, genre anglais, sans nous accorder un coup d'œil. Salomon, vous savez, pas de chic entre nous. Je suis mauvaise comme la gale quand je m'y mets, et je me fiche de rater une affaire quand on m'embête. Madame, répond Salomon, digne et glacé. Vous m'avez parlé comme un homme qu'on méprise, et je l'ai sur le cœur. Fourneau, intervient Brague sans élever la voix. Quand t'auras fini de jacter, 600 pour sa part à elle, 440 pour la mienne. Tu nous prends pour des acrobates allemands? Donne-moi les feuilles, on ne signe pas aujourd'hui. Je demande 24 heures pour consulter ma famille. Alors, c'est foutu, jette Salomon avec une impétuosité bafouilleuse. Tous ces gens-là, c'est des directeurs d'établissements très chics, des gens qui n'aiment pas qu'on les lanterne, des gens... Qu'on le derrière dans la friture bouillante, je sais, interrompt mon camarade. Eh bien, dis-leur que je repasse demain. Tu viens, René? Salomon, pour nous deux, c'est 7,5%, et je trouve que c'est grand et généreux. Salomon essuie ses yeux secs et son front mouillé. Oui, vous êtes encore deux jolis cochons. Salomon, on ne peut pas dire que vous soyez jolis. Laissez-le donc, René. C'est un amour, cet homme-là. Il fera ce que nous voudrons. D'abord, il t'aime. Pas, Salomon ? Mais Salomon boude. Il tourne l'épaule comme un gros enfant et dit d'une voix pleurarde « Non ! Allez-vous-en ! Je ne veux plus vous voir. J'ai un vrai chagrin. C'est bien la première fois depuis que je fais des engagements qu'on m'inflige une humiliation pareille. Allez ! Allez, j'ai besoin d'être tout seul. Je veux plus vous voir. » « C'est ça. À demain. » « Non ! Non ! C'est fini, nous trois !»« 5 heures ?» Salomon, assis à son bureau, lève vers nous un visage rose et pleuré. « 5 heures ? C'est ça. Il faudrait encore que je manque pour vous mon rendez-vous de l'Alhambra. Pas avant 6 heures. Vous entendez ?» Désarmé, je serre sa courte patte et nous sortons. L'encombrement de la rue rendant tout colloque impossible, nous nous taisons. J'appréhende la solitude relative du boulevard Malesherbes où Braque va commencer à discuter et à me convaincre. Convaincu, je le suis d'avance et décidé à partir. Amon ne sera pas content. Margot me dira « Tu as bien raison, ma fille » et n'en pensera pas un mot. Mais elle me donnera d'excellents conseils et 3 ou 4 boîtes de spécialités contre la migraine, la constipation et la fièvre. Et tu feras un chautel, au fait. Qu'est-ce qu'il dira ? Ça m'amuse de penser à sa figure. Il se consolera auprès de Jadin. Voilà tout. Partir. Quand donc, déjà ? La date, Braque. J'ai pas fait attention, figure-toi. Braque hausse les épaules et se range près de moi parmi le peloton de passants qui attendent, soumis, que le bâton blanc fende la file des voitures et nous ouvre un guet du trottoir Haussmann au refuge de la place Saint-Augustin. S'il n'y avait que toi pour boucler des engagements, ma pauvre amie, Madame gueule, Madame monte sur ses grands chevaux, Madame veut ceci, ne veut pas ça, et puis au bout, tiens, je peux faire attention à la date. Je le laisse, déférente, savourer sa supériorité. C'est un des plus vifs plaisirs de Braque que de me traiter en novice, en élève gaffeuse. Nous courons, sous la houlette de l'agent, jusqu'au boulevard Malesherbes. Du 5 avril au 15 mai, achève Braque. T'as rien contre ? Rien ne te retient ? Rien. Nous montons le boulevard, un peu essoufflé par la buée de bain tiède qui se lève du pavé mouillé. Une courte pluie, presque orageuse, a commencé le dégel. Le pavé noirâtre reflète, étiré, irisé, les lumières. Le haut de l'avenue se perd dans une fumée indistincte, roussie par un reste de crépuscule. Involontairement, je me retourne. Je regarde autour de moi, cherchant... Quoi ? Rien. Non, rien. Ne me retient ici, ni ailleurs. Aucun cher visage ne surgira du brouillard, comme une fleur claire émerge de l'eau obscure, pour prier tendrement « Ne t'en va pas ». Je partirai, donc, encore une fois. Le 5 avril est loin, nous sommes au 15 février, mais c'est comme si j'étais déjà partie. Braque peut, à mon oreille distraite, énumérer des noms de villes, d'hôtels, des chiffres. Tu m'écoutes au moins ? Oui. Alors, tu fais rien d'ici le 5 avril ? Pas que je sache. Tu ne vois pas un petit acte, une petite couillonnade quelconque, genre un mondain qui t'occuperait d'ici là ? Ma foi, non. Si tu veux, je te cherche une petite affaire à la semaine. Je quitte en le remerciant, mon camarade, touché qu'il veuille m'éviter la panne. L'oisiveté qui démoralise, appauvrit et détraque les comédiens sans emploi.